Après l'Italie, je n'ai plus pensé qu'à l'oublier. J'ai passé ma vie à changer les choses, à voyager. J'ai beau toujours chercher ailleurs, tout mon passé me court après. Il y a dans mon cœur un pont de souvenirs qui ne se brise pas, un pont de souvenirs qui va de lui à moi. Souvent je prends le train, parfois après l'Italie, j'ai cherché la porte de secours. J'ai changé ma vie, changé mes amis et mes amours. J'ai beau vouloir encore m'enfuir, il y a partout, il y a toujours entre lui et moi.